Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée a répondu le 24 aux questions du correspondant de l'Agence télégraphique centrale de Corée à propos du sérieux attentat perpétré en Syrie. En voici le résumé. Le 23 dernier, les terroristes ont perpétré plusieurs attentats suicidaires dans la ville de Tartusu et la ville de Tzabla de la province de Latakia de Syrie pour causer une centaine de morts et de blessés. Le dernier attentat est un lâche complot des terroristes et des forces sponsors visant à empêcher la solution pacifique de la crise syrienne et à dresser les obstacles à la lutte de l'armée et du peuple syrien pour défendre la souveraineté, l'intégrité territoriale et la sécurité du pays. S'opposer à toute forme de terrorisme est l'attitude invariable du gouvernement de notre République. Nous formulons une nouvelle fois de plus du soutien et de la solidarité absolue à la juste lutte du gouvernement et du peuple syrien décidé à repousser les défis et agressions des forces hostiles et à réaliser la sécurité, la stabilité et l'intégrité territoriale du pays.